Chapitre 16. Les dévotions de la Noyonne. Les sept guerres sacrées. Visite au lama. Sa bénédiction. But du pèlerinage de la Noyonne. Il n'existe pas de monastère de femmes dans ces parages. Au rouroule des hommes sont annexées des écoles où la théologie forme le principal enseignement, c'est-à-dire que les élèves apprennent à lire les écritures sacrées en langue du Tibet sans pouvoir toutefois les comprendre. Il est rare que leur érudition soit poussée au-delà. Les laïcs ont aussi comme instituteurs des Gelung. Ceux-ci représentent la classe des savants. Lire et écrire le Kalmouk sont les deux branches d'instruction auxquelles sont initiés ceux qui ne reçoivent pas l'enseignement clérical. L'écriture Kalmouk se trace en ligne verticale du haut en bas de la page, en écrivant d'après notre usage sur un papier où sont tracées ces lignes, on obtient, par les autres, de petits carrés distincts. La méditation et la contemplation étant l'état dans lequel tout pieux bouddhiste doit s'astreindre à vivre, on voit ça et là dans la plaine où est établi le rouroule des moines accroupis gardant des heures un silence absolu et ne changeant pas de position. Cette vie contemplative les plonge dans une fainéantise parfaite. Le silence des hommes contraste avec le bruit des trompes qui, de bon matin, éclatent en sons stridents. Les notes aiguës de ces discordants instruments, dont le vacarme se répète souvent pendant le jour et le soir, sont le signal des prières, des méditations et des repas. Les mets sont préparés dans les cuisines communes, c'est-à-dire dans de profonds fossés creusés dans la terre qui servent de fourneaux. On y brûle le fumier durci sur lequel sont placées d'énormes marmites en fer contenant les ingrédients du pot-au-feu Kalmouk: mouton, eau, sel. En outre, les séminaristes boivent aussi du thé comprimé auquel on ajoute du sel et de la graisse de mouton et qui bout pendant un grand nombre d'heures. Ce breuvage sert au déjeuner des moines. Le mouton est leur dîner. Entre les repas, ils prennent comme rafraîchissement du kumis. Les liqueurs fortes leur sont défendues. Mais ils font toujours des accommodements avec le lama et leur conscience et se permettent, lorsque les circonstances sont propices, de boire du vin léger qui égaye sans griser. La visite de la Noyonne au rouroule ayant pour but principal la bénédiction du lama, elle dut d'abord faire ses dévotions et porter des offrandes aux idoles et ensuite se présenter devant le vieillard considéré comme un saint. Les femmes peuvent entrer dans ces tentes, mais aucune n'est admise à demeurer au monastère excepté la Noyonne et sa suite. S'il n'obéit à des sentiments sincères, le chef de Loulous fait du moins acte de politique en se faisant passer pour un personnage fervent et dévot parmi les Kalmouks. La Noyonne faisait de même. Le matin de son arrivée, elle s'apprêta à remplir ses devoirs religieux dans chaque guerre dédiée à une divinité différente. À cet effet, elle avait apporté une pièce de taffetas blanc dont elle coupa autant de carrés qu'elle allait visiter d'idoles. Dans chacun de ses coupons de soie, elle noua une pièce de 10 ou 20 copecs, 30 ou 60 centimes, pieuse au bol revenant au Gelung, gardien des idoles sur l'autel desquelles elle déposait son offrande. Avant de quitter sa guerre, la châtelaine des steppes fit ses prières du matin. Accroupie sur le sol, elle tenait en main un rang de perles qu'elle faisait glisser entre ses doigts. Pendant qu'elle récitait ses oraisons, un moine apporta un morceau de charbon de bois allumé sur lequel sa suivante versa l'eau d'un flacon conservée dans un paquet contenant les images des divinités de la famille. L'eau bénite, l'encens ainsi que plusieurs cérémonies du culte des Lamaïtes rappellent certaines pratiques de l'Église catholique. Ces dévotions terminées et avant d'entreprendre son pieux pèlerinage, Lanoyon fit bénir par le moine présent sa collection d'images sacrées, reliques précieuses, parmi lesquelles s'en trouvent de fort anciennes. Une d'elles passe pour le portrait de Sakyamuni, datant du temps où il quitta le palais du roi son père et se fit mendiant religieux. Cette effigie sacrée, soigneusement cousue entre plusieurs morceaux de soie, y est conservée ainsi, dit-on, depuis tous ces siècles, c'est-à-dire depuis à peu près 2400 ans. Note, je me trouvais dans les steppes en 1878. Fin de note. L'autel portatif de Lanoyon consiste en une petite caisse quelconque recouverte d'une tapisserie ou d'un tapis sur lequel sont étalés les vases d'offrande où l'on met à chaque repas une part des mets. Cet autel fut béni aussi et puis aspergé d'eau sanctifiée par le lama. Lanoyon reprit sa tournée religieuse, escortée de plusieurs gelung et suivie de sa camériste chargée des dons. Il me fut permis aussi de l'y suivre. Lorsque ma pieuse compagne se trouva dans l'enceinte consacrée à l'adoration des dieux de sa foi, elle ôta sa coiffure nationale et se prosterna trois fois la face contre terre en joignant les mains vers le ciel. Tous ceux de son escorte firent de même. Puis elle s'avança vers la guerre principale, la plus grande des sept dans la plaine, en fit trois fois le tour, se prosternant trois fois devant le seuil, le front dans la poussière, puis entra, la tête découverte dans le saint lieu. Note, le nombre 3 se répète dans les cérémonies religieuses des Lamaïtes. Fin de note. En l'honneur de cette visite, les musiciens du Rouroul, rassemblés là, attendaient la venue de Lanoyon pour commencer le concert religieux. Note, aux grandes solennités religieuses seulement et aux fêtes principales, tout le personnel musical est ainsi réuni. Fin de note. 16 exécutants étaient accroupis sur le sol, en face les uns des autres, formant la haie de l'autel à l'entrée de la guerre. Les uns soufflaient dans de grands coquillages. Les autres battaient furieusement des timbales et faisaient tinter sans relâche des sonnettes. Les principaux instrumentistes tiraient des sons d'une trompe monstre posée sur un appui avec support. Elle leur rappelait un grand canon et son affût. Chaque joueur de trompe en avait à ses côtés trois autres, se remplaçant à tour de rôle pour faire résonner le gigantesque instrument. L'effet de cette musique, qui continua pendant une heure à peu près, joint à la vue des artistes, était si étrange que je crus avoir affaire à des gens atteints de folie. La plus grande partie des instruments viennent du Tibet. Ils ont été apportés dans les steppes de la mer Caspienne à l'époque où les Kalmouks émigrèrent de la Mongolie en Russie. Quelques-uns pourtant furent fabriqués plus tard dans le pays. Ils ne donnent pas une haute idée du sentiment musical des Tibétains. Lorsque les musiciens déposèrent leur instrument, d'autres moines entonnèrent un chant religieux. Je me sentis soulagée. L'atmosphère de la guerre où s'étaient dégagés ces sons stridents me sembla plus légère. Toutefois, je fus loin d'entendre de douces mélodies, car les voix des chanteurs vibraient en sifflements aigus. Ces hymnes étaient interrompus par de fréquentes prières que l'assistance récitait. Le costume des exécutants était aussi criard que leur musique. Quelques-uns portaient d'immenses coiffures en forme d'abat-jour, ornées d'effigies monstrueuses représentant des images saintes. D'autres étaient coiffés de bonnets rouges ou jaunes, auquel il ne manquait que les grelots pour imiter celui de la folie. Les décorations discordantes du temple païen s'harmonisaient avec toutes ses couleurs et ses sons bizarres, formant ainsi un ensemble extraordinaire, confus pour l'œil, l'ouïe et la pensée. Je me demandais pourtant s'il m'était permis de trouver étrange ce qui faisait l'admiration de tous les assistants. Des figures, les unes plus grotesques que les autres, ornaient l'intérieur de la guerre. Les principales se trouvaient au-dessus de l'autel. Des banderoles ornées de rubans coloriés, des étoffes brodées étaient attachées au support de la tente. Enfin, un amas d'objets encombrait l'autel recouvert d'un magnifique tapis de Perse. La Noyonne est la seule femme qui puisse assister à ce service religieux. Elle payait largement ce privilège par une distribution généreuse d'argent. Les groupes formés par les moines accroupis en silence ajoutaient à l'originalité de l'ensemble du spectacle. Sous cette guerre se trouvaient aussi deux lits. Sur l'un étaient étalés des vêtements ecclésiastiques. L'autre servait de couche aux religieux préposés à la garde. En entrant et en sortant, à reculons, il fut présenté de l'eau bénite à la Noyonne. Un prêtre la lui versa dans la paume de la main. Elle en but une gorgée et avec le reste s'aspergea la tête. Tous ceux de sa suite l'imitèrent. L'eau sanctifiée est conservée dans un vase surmonté d'un bouquet de plumes de paon que l'on voit sur les autels sous toutes les tentes sacrées. Dans la plaine, près de la guerre principale, est placé un chariot à deux hautes roues recouvert d'une capote en feutre. Il sert au déménagement des idoles et des attributs sacrés lorsque le rouroule est transporté ailleurs. La Noyonne, comme elle l'avait fait précédemment, se prosterna trois fois devant le seuil de chaque tente destinée au culte et en fit trois fois le tour avant d'y entrer. Elle toucha aussi de ses lèvres le feutre extérieur de celle où se trouvent les idoles particulièrement vénérées et qui se distinguent à l'intérieur par la profusion des ornements. Les autres ont à peu près le même aspect. Elle renferme deux lits. Sur l'un de ces lits sont déposés les ornements religieux devant lesquels les fidèles se prosternent. Il n'y eut de service divin et de musiciens que dans la principale guerre. Partout, la Noyonne décora les idoles de coupons de soie blanche préparés à cet effet. Partout, elle distribua de l'argent ainsi que bon nombre de bouteilles de vodka dont elle avait apporté un petit baril et qui semblait fort goûté par les Gelungs, malgré les prescriptions de leur foi. Cette tournée religieuse se termina par une visite à l'oratoire du Rouroule, où les moines se rassemblent cinq fois par jour pour prier. Une quarantaine était accroupie sur le sol des deux côtés de l'autel. Devant eux se trouvait un banc sur lequel était placé un petit paquet enveloppé d'un mouchoir de couleur contenant des formules sacrées. Tous battaient des mains, chantant en chœur des litanies d'un rythme très monotone, interrompu par des prières récitées en commun avec accompagnement d'une sonnette que chacun faisait tinter. Ce bruit, les claquements de mains, le chant, la récitation des prières formaient une cacophonie fatigante. La réunion de ces hommes impassibles, tous fort laids, avec leurs costumes baroques, présentait un tableau dont l'excentricité dépassait tout ce que j'avais vu de plus bizarre pendant mes voyages. Notre présence ne les dérangea nullement. Ils continuèrent, avec une ardeur qui ne se ralentissait pas, leur chant, oraison, battement de mains, tintement de clochettes. La Noyonne parvint ainsi, peu à peu, au but de son pieux pèlerinage à la guerre du lama. Lorsqu'elle s'en approcha, tous se prosternèrent trois fois et au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils répétaient leurs génuflexions. En arrivant, ils baisèrent le seuil de la tente et les parois extérieures. l'Anoyon s'inclina plus bas encore, puis elle entra dans la guerre et se présenta en toute humilité devant le lama. Les hommes de son cortège la suivirent, la tête découverte. Sa camériste resta accroupie devant l'entrée où sa maîtresse avait déposé sa coiffure nationale en signe de respect. Par une faveur spéciale, il me fut permis aussi de pénétrer avec eux, car excepté les femmes de la famille du chef de Loulous, jamais aucune autre étrangère n'avait été admise chez le grand prêtre. La vénération dont ce pontife est entouré a sa source dans la croyance que par sa piété et son abnégation, son âme peut un jour s'approcher de la divinité et devenir Bouddha. Note. Malgré son grand âge, le lama se rendit à Saint-Pétersbourg peu de temps avant la mort du tsar Alexandre II, dont il obtint des faveurs pour les Kalmouks qui leur avaient été refusées jusqu'alors. Ce voyage du pontife augmenta encore la vénération de son peuple. Fin de note. En arrivant au pied du lama, l'Anoyon se prosterna pour recevoir sa bénédiction. Cette bénédiction se traduisit par un coup assez rude frappé sur la tête de la pieuse visiteuse avec un petit paquet carré enveloppé d'un foulard contenant des formules sacrées. La noble pèlerine s'accroupit ensuite sur le tapis étendu à gauche du lama et y resta sans rien dire. Le pontife ôta la petite pipe culottée qu'il tenait à la bouche et la lui présenta. Elle se mit à la fumer silencieusement. Sur ce, l'un après l'autre, les Gelungs s'inclinèrent devant le grand prêtre et reçurent chacun sa bénédiction de la même manière que l'Anoyon, puis ils s'accroupirent à l'entrée de la guerre. Mais la pipe ne leur fut pas offerte. Le lama approche de la centaine. Petit, ridé, sa peau tannée, couleur citron, s'harmonise avec la nuance de ses vêtements, le jaune sacré. Note. Au Tibet, l'or, comme tout ce qui est jaune, est consacré au Dalai Lama, grand lama. Fin de note. Il se tenait accroupi devant son lit, sur plusieurs feutres repliés, recouverts d'un tapis et du drap d'honneur noir à bandes rouges, et à son immobilité, on eût dit une figure de cire. Il portait un ample cafetan en soie brochée à ramages. Une large écharpe, jaune également, était jetée sur ses épaules. Sa coiffure ressemblait à un bonnet de folie, avec pointe recourbée, élevée en brocart d'or, bordée de satin uni. Il avait devant lui une table basse, sur laquelle étaient étalées des monnaies, offrandes des pieux visiteurs, à côté des petits vases en métal pleins d'eau bénite. L'autel ornait le fond de la guerre. En haut, dans sa châsse, la figure de la principale idole présidait, entourée d'une infinité d'objets, de magots de toutes formes, de plumes de paon, etc. Des deux côtés de l'autel, un étendard noir à bandes rouges transversales pendait au milieu d'images grotesques. Le lit ne différait pas de celui des autres religieux. Un second tapis en face était réservé à un Gelung. Des feutres garnissaient le sol et remplissaient en même temps l'office de crachoir. Le courdé, roux à prière, ne manquait pas près de la couche pontificale. Il fut permis à l'Anoyon de le mettre en mouvement et chaque tour du cylindre représentait pour elle une infinité de prières dites. Note. Comme le mérite est proportionné au nombre de prières dites par les fidèles, on se sert de ces cylindres remplis de petits feuillets de papier sur lesquels sont écrites les formules religieuses. Ce procédé mécanique pour la prière est très répandu en Mongolie, à Ceylan, au Tibet, etc. On trouve dans les rues, dans les temples de ces cylindres, dans chaque tour équivaut à la récitation des milliers de prières qui y sont renfermées. Dans les riches familles pieuses, un serviteur a pour seule occupation de tourner la roue à prière. Des moulins à vent ou à eau remplissent le même office pour la masse de la population moins favorisée. Fin de note. Le lama avait apporté de sa main une armoire en miniature qui lui sert de bonbonnière dont il offre les sucreries aux visiteurs privilégiés. Ma présence le surprit, mais en apprenant le but de ma visite, il me reçut cordialement et m'offrit des bonbons. En outre, au moment de me retirer, il me donna sa bénédiction en me frappant sur la tête aussi fortement qu'il l'avait fait à ma compagne. Lorsque celle-ci eut fini de fumer, elle rendit la pipe au grand prêtre. Après quelques instants de silence, il s'engagea entre lui et la noyonne une conversation à laquelle aucun des assistants ne prit part. Du koumis fut servi par les Gelung. La noble Kalmouk mit ses offrandes sur l'autel. Puis, sans dire mot, se retira à reculons avec la même humilité qu'en entrant. Son escorte l'imita. Enfin, après s'être prosternée aux abords, elle reprit son bonnet national. Ainsi se termina ce pieux pèlerinage le premier jour de sa visite au Rouroul. Elle fut reconduite par les moines jusqu'à sa tente avec tout le cérémonial exigé. Fin du chapitre 16.